Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 74. Des rapports. En quoi les rapports se distinguent de la détraction, parallèle du détracteur et du rapporteur? 1. Les rapports sont-ils un péché distinct de la détraction? On confond quelquefois le rapporteur avec le détracteur, par la raison que l'un et l'autre disent en secret du mal de leur prochain. Sur cette parole de l'Écriture, ne méritez pas qu'on vous appelle un semeur de rapports, Ecclésiastique 5, la glose ajoute, c'est-à-dire un détracteur. Il diffère cependant par le but qu'il se propose. Le détracteur a pour fin de détruire la réputation du prochain, et, pour cela, il révèle ce qui lui paraît capable de la flétrir ou de l'affaiblir. Le rapporteur veut diviser les amis, comme on le voit par ce mot des Proverbes 26:20, ôtez le semeur de rapport, et les disputes cessent. Il révèle ce qu'il croit propre à irriter son auditeur contre quelqu'un. L'Écriture le caractérise ainsi, l'homme de péché jette le trouble entre les amis, il sème l'inimitié au milieu de ceux qui vivaient en paix. Ecclésiastique 28:9. Note. Le rapporteur est, sans contredit, un détracteur, mais il a principalement pour but d'irriter les esprits les uns contre les autres. Faut-il pour cela dire le bien? Il le dit du moment que ce bien est un mal aux yeux de celui à qui il parle et un moyen de semer l'irritation. Il est appelé par l'Écriture un homme à double langue, parce qu'il s'efforce de rompre l'amitié qui existe entre deux personnes, disant à chacune d'elles du mal de l'autre. Fin de la note. 2. Le détracteur est-il plus coupable que le rapporteur? Une tache honteuse, nous dit l'Esprit Saint, est imprimée sur l'homme à double langue, il s'attire la haine, l'inimitié et l'ignominie. Ecclésiastique 5. Plus un péché porte préjudice au prochain, plus il est grave, et le préjudice se mesure sur la grandeur du bien qui était enlevé. Or, parmi les biens extérieurs, le plus éminent est un ami. Sans ami, nul ne peut vivre, disait le philosophe, et l'Écriture nous enseigne pareillement que rien ne saurait être comparé à un fidèle ami. Ecclésiastique 6:15. La réputation nous étant surtout nécessaire pour avoir des amis, le péché du rapporteur est plus grand que la détraction, et même que la contumélie, par la raison que l'amitié est préférable à l'honneur, il vaut mieux être aimé que d'être honoré. Note. La délation porte une atteinte spéciale à l'amour du prochain et à l'amour de Dieu. De là ces paroles des Proverbes. Il y a six choses que le Seigneur est, et son cœur aborde la septième, à savoir, l'homme qui sème la discorde entre les frères. Proverbes 6:16. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.